oui, ça était un bon client, ça, monsieur. Oh, j'ai jamais vu ça, hein, monsieur. Oh, oui, c'est une grande perte pour moi. Je suis barman dans cet hôtel, ça fait des années. Des années, jamais j'avais vu un client comme ça, monsieur. Moi, c'est sûr. Le matin, il se levait vers les 10 heures, monsieur. Il commençait à boire sa bouteille de champagne. Alors, vers les 11 heures, il disait, moi, je suis un buveur cosmopolite. Donne-moi un whisky. Il n'y a pas qu'en France qu'on boit de la bonne boisson. Ben, je lui dis, ouais, mais t'as raison. Alors, je lui ai apporté 3 whisky. Puis vers les 11h30, il disait, mais sais-tu que j'ai pas encore pris mon petit déjeuner? Mais j'ai dit, ça c'est vrai ça, monsieur. Alors je lui ai apporté un bol où il mettait 5 pastis. Il fallait le voir avec son petit croissant qui trempait. Ça, c'était un bon Dieu. C'est une grosse perte. Il est mort ce matin. Et c'était un bon vivant, vous savez. C'était une perte. Puis vers les midi, il dit, faut que je prenne l'apéritif. Alors il prenait une bouteille de Porto. C'était un buveur cosmopolite. Et puis alors en buvant, tout en buvant pour son déjeuner, ben, il mangeait un peu. Hein, il prenait sa grande bouteille de Bordeaux. Et puis il disait, les Allemands, qu'est-ce qu'ils vont passer de moi? Alors il prenait comme dessert une bouteille de schnapps. Puis vers les 3 heures, il disait, donne-moi de la bière belge. Ben, je disais, prends de la bière belge, je lui ai apporté 3 chopes de bière. C'est une grande perte pour moi. Un bon buveur, un cosmopolite. Puis vers les 5 heures, il disait, qu'est-ce qu'ils vont penser les Suisses? Moi, j'ai dit, il faut les mettre à l'aise. Hein. Alors, il prenait 3 bouteilles de fendant. Hein. Et puis, comme ça, ça l'amenait vers les 6 heures. Hein, il prenait à ce moment-là du bourbon américain. Et puis vers les 7 heures, il prenait un petit apéritif du vermouth Torino con Milano. C'était un bon buveur. Et puis alors, il allait se coucher vers les 10 heures avec une bouteille de vodka. Il est mort ce matin. Comment m'avez-vous dit, monsieur? J'ai pas... De quoi il est mort? Bon, ça, je ne saurais pas vous dire. Hein.